qu'on s'aime pas, c'est comme ça on s'aime pas. On est un côté dur, on est un côté sympa. Ok toi t'es le sang, mais ton collègue je le sens pas. Il a bu deux trois verres, il veut jouer le sympa. C'est quand viennent d'en bas, c'est quand viennent d'en bas. Ça vend de l'or en bas et on veut changer en bien. Ça m'a fait de la peine quand elle m'a dit t'en vas pas. Je lui ai sorti une feinte et je lui ai dit je reviens. Regarde, je suis pas là, dans le rap on s'est déverrouillé. Je suis sur le CDL et j'écris sur un CD rayé. Hier soir j'ai rêvé qu'on était frais, qu'on était fort. Mais que l'œil des gens voulait nous jeter un sort. J'suis rapta, j'suis rapta, oh la couche, j'suis gazé, j'ai bu deux bouteilles de ruina. Sur Insta, tu le sais, j'suis un stam, ne regarde pas trop mon passé. Je la vois qu'elle fait sa folle, de Marseille à Bandol, j't'ai dit frérot abandonne. Elle twerk sur du reggaeton, pendant que tu bétonnes, j't'ai dit frérot abandonne. Je la vois qu'elle fait sa folle, de Marseille à Bandol, j't'ai dit frérot abandonne. Elle twerk sur du reggaeton, pendant que tu bétonnes, j't'ai dit frérot abandonne. Ce soir y'a choqué. Fini à l'hôtel après la séance auto. On est en bonne ambiance, on est entre potos. Y'a Cario et Banjo, y'a Sparo et Mono. Parti de zéro, mentalité frérot. J'travaillais à Zara, j'avais même pas un euro. J'suis calé au studio, y'a Calif et Miko. J'ai pillé à Vla Vovo avec Wawa et Miso. Ça fait chaîne, neuf le bouchon, il me faut une voiture volante. Fais un dos Londres, ok, la bleue est collante. Il me faut une secrétaire, là j'suis trop débordé. Faut que ce soit une bombe avec un beau décolleté. J'suis rapta, j'suis rapta. J'ai bu deux bouteilles de ruina. Sur Insta, tu le sais, j'suis un stam, ne regarde pas trop mon passé. Je la vois qu'elle fait sa folle, de Marseille à Bandol, j't'ai dit frérot abandonne. Elle twerk sur du reggaeton, pendant que tu bétonnes, j't'ai dit frérot abandonne. Je la vois qu'elle fait sa folle, de Marseille à Bandol, j't'ai dit frérot abandonne. Elle twerk sur du reggaeton, pendant que tu bétonnes, j't'ai dit frérot abandonne. Marseille s'est cramé, y'a de l'essence dans l'instincteur. Question de principe, je toucherai pas à ta sœur. Ok 2018, on rentre en ligue des masters. L'album est fini, on va chercher les masters. La beuh dans les couilles, j'ai fait serrer la guardia. J'avais le survêt du Real et le briquet du Barça. Benga benga jusqu'à la calada del Dia. Tu me fais le gangsta, mais dis-moi poto qu'est-ce que t'as.